Chapitre 4. Le secret du document. Depuis le retour tragique du banquier, Madame Montreuil, sa fille Raymonde, ses deux fils, ne prirent pas une heure de repos. À eux aujourd'hui se joignait le capitaine Fabien de Rennebois, le fiancé de Raymonde en garnison à Fontainebleau. Il était accouru à la nouvelle du crime. Lorsque les médecins et Robert déclarèrent le blessé en état de supporter la fatigue de l'interrogatoire, les magistrats prévenus arrivèrent. Ils prièrent Madame Montreuil et Raymonde de s'éloigner, ne voulant pas que cette malheureuse femme et cette jeune fille fussent exposées à de nouvelles épreuves. Le capitaine de Rennebois les emmena, laissant auprès du banquier les deux fils, Robert et Raoul. Monsieur Montreuil, dont l'esprit se montrait de la plus grande lucidité et dont les souvenirs revenaient nets et précis, déclara au magistrat qu'il eut la visite de divers clients, puis qu'il reçut le comte de la Guérinière et en dernier lieu un négociant, M. Laurent. « Je n'ai pu, dit-il, écouter le comte de la Guérinière. J'ai congédié M. Laurent sans accéder à ses désirs, après un assez violent débat. C'est comme je rangeais dans mon coffre-fort les papiers au nom de M. Laurent que, tout à coup, je vis en face de moi le comte de la Guérinière. Le comte me saisit à la gorge, m'empêcha de crier, et il m'enfonça un poignard dans la poitrine. « Vous avez bien reconnu le comte de la Guérinière ?» demanda avec insistance M. Urbain. « Parfaitement, absolument. Mes souvenirs sont très nets, très certains, jusqu'au moment où je suis tombé. » Le banquier précisa longuement, minutieusement, donna des détails sur l'attentat. On lui relut sa déposition, il l'approuva et la signa d'une main ferme. Alors le mandat fut lancé contre le comte de la Guérinière et on chargea Paulin Broquet de le mettre adroitement à exécution. Les magistrats venaient à peine de recevoir la déposition sensationnelle que se présentèrent chez le blessé deux de ses plus vieux amis, maître Béjanet, de tout temps notaire de la famille Montreuil, et maître Grillard, depuis aussi longtemps chargé des affaires de poursuite et de recouvrement de la banque. Après les présentations que fit le banquier et les félicitations que les officiers ministériels lui adressèrent d'avoir, comme il le disait en riant maintenant, rescapé au couteau de l'assassin, le notaire et l'huissier demandèrent à M. Montreuil un moment d'entretien absolument privé. Les magistrats se retirèrent. Raoul et Robert, cependant, voulaient rester auprès de leur père. « Non, mes amis, dit maître Béjanet, vous non plus. « Comment ? Fit Robert. « Nous ne pouvons rester ici, moi comme médecin, Raoul comme avocat. « Impossible, mes amis. « Il faut qu'il n'y ait personne pour ce que nous devons traiter. « C'est absolument confidentiel. « D'ailleurs, mes fils, dit le banquier, très intrigué, et s'efforçant toutefois à sourire à ses enfants, « rassurez-vous, mes bons amis Béjanet et Grillard n'ont nullement l'intention de parachever l'œuvre incomplète du meurtrier. Allez, mes fils, je vous appellerai dès que vous pourrez revenir. » Robert et Raoul, anxieux, quittèrent à regret la chambre de leur père. Le notaire et l'huissier demeurèrent donc tout seuls dans la chambre du blessé, dont ils fermèrent soigneusement la porte. Pour plus de sûreté, M. Béjanet se pencha même sur le lit, approcha de l'oreille du banquier et commença à voix basse, solennelle et triste, la lecture d'un acte dûment transcrit sur papier timbré. Pendant la lecture, le blessé frémissait, tremblait de tous ses membres, ses yeux ruisselaient de larmes. « Oh ! Fit-il, c'est épouvantable, c'est épouvantable !» Le notaire, l'huissier, le réconfortait de leur mieux. « Mon ami, allons, du courage ! Songez à vos enfants, ne vous laissez pas abattre, surmontez cette nouvelle épreuve, du courage !» Comme les magistrats faisaient savoir discrètement que le comte venait d'arriver et demandaient si on pouvait procéder à la confrontation, les officiers ministériels rappelaient Robert et Raoul. Les deux frères trouvèrent leur père dans un état d'abattement très grand, quelque effort qu'il fit pour se dominer. Et les larmes qu'il venait de verser ne leur échappèrent point. Ils eussent voulu qu'on renvoyât un autre jour la confrontation, mais le banquier, au contraire, insista pour qu'elle eût lieu immédiatement. « Seulement, mes chers enfants, dit M. Montreuil, restez maintenant auprès de moi. Mes fils, n'abandonnez pas votre père. » Quand le comte parut, le banquier se redressa sur ses oreillers. Il enveloppa le gentilhomme d'un coup d'œil avide, curieux, énigmatique, et haletant, fiévreux, il le tint ainsi longuement, avec persistance, sous son regard. Le comte de la Guérinière, froidement, calme, sans qu'un trait de sa figure un peu plus pâle que d'ordinaire peut-être fût troublé, sans que sa physionomie trahît la moindre anxiété, s'avança dans la chambre. Droit, bien campé dans son habit de cheval, sans la moindre gêne, il se plaça devant le lit du blessé. Monsieur Montreuil, lui, penché en avant comme pour mieux voir le comte, comme attiré vers lui, fasciné par lui, ne pouvait détacher ses yeux de l'élégant gentleman et, frémissant tout bas, murmurait des mots que personne n'entendait, que personne ne comprenait. Ses fils, chacun d'un côté, le soutenaient, lui serraient la main, l'encourageaient doucement. Eux, palpitants, attendaient avec angoisse la fin de cette scène poignante, émus comme on ne peut le décrire, en face de cet homme que leur père avait si fermement désigné comme son meurtrier. Les magistrats, les officiers ministériels également, suivaient, fortement impressionnés, toutes les phases de ce drame épouvantable, mystérieux et passionnant au plus haut point. Paulin Broquet, à un pas du comte, à un pas du blessé, ne perdait rien de ce qui se passait, et chez le blessé tout tremblant, et chez le comte si calme. Enfin, le juge d'instruction s'avança et demanda à M. Montreuil « Reconnaissez-vous, monsieur ?»« Le comte Faustin de la Guérinière, » répondit à voix basse, lentement, le banquier. « Oui, je le reconnais. » « C'est bien lui qui est venu chez vous dans votre cabinet à la banque ?»« Il est venu, oui, en effet, c'est lui. »« C'est lui, le comte de la Guérinière, ici présent, lui, que vous avez désigné dans votre déposition ?»« Oui, messieurs, oui, c'est bien lui. » À ces mots, le chef de la sûreté fit un signe. Paulin Broquet s'approcha du comte et, lui mettant la main sur l'épaule, lui dit « Au nom de la loi ?» Mais le banquier l'interrompt. « Attendez, attendez !» Le comte n'avait pas bougé. Pas seulement tressaillit. Chacun se tourna vers le banquier. J'ai parlé de monsieur de la Guérinière. Oui, je l'ai nommé. Je l'ai désigné, mais je me suis trompé. Un frémissement parcourut tous ceux qui entendaient ces mots. Seul le comte de la Guérinière ne broncha pas et garda sous sa fine moustache noire un singulier sourire. Mais dans ses yeux, une flamme brilla et son regard, machinalement, se porta sur Paulin Broquet. Le banquier alors, lentement, comme si chaque mot le faisait souffrir en sortant de ses lèvres, reprit « Je me suis trompé. Oui, j'ai fait une fausse déclaration. » « Cependant, intervint M. Urbain, on vous a lu et relu votre déposition, vous l'avez signée, en connaissance de cause, étant sain d'esprit. Ayant tout votre jugement, toute votre mémoire, vous avez signé. Messieurs, oui, mais je me suis trompé. Nous avons insisté quand vous désignez le comte de la Guérinière. Vous avez précisé « Messieurs, croyez-moi, je vous dis que je me suis trompé. » Cependant, « Oui, j'ai nommé le comte de la Guérinière parce que son image était restée dans ma mémoire. Oui, il est venu dans mon cabinet. Nous avons parlé sans nous mettre d'accord, mais je l'ai reconduit à la porte. Je lui ai serré la main. Oui, messieurs, il est parti. » Et il est revenu. Revenu, lui ? Non, il n'est pas revenu. C'est le fond de votre déclaration, c'est ce que vous avez précisé spécialement, c'est la base de votre déposition, de l'accusation. Messieurs, messieurs, je vous dis, je vous affirme, il n'est pas revenu. Alors qui vous a frappé ? Qui vous a saisi au cou ? Qui vous a blessé ? Je ne puis dire, je ne puis dire. Pourquoi maintenant ne pouvez-vous dire ? Parce que si j'ai dit que c'était le comte de la Guérinière, je me trompais. Mais maintenant que je vois monsieur de la Guérinière, qu'il est là devant moi, je reconnais que je me suis trompé. Non, il n'est pas revenu. Ce n'est pas lui qui a voulu me tuer, je le jure, ce n'est pas lui. « Ah, monsieur, déclara le juge d'instruction, un tel revirement est étrange, anormal. Il permet à la justice de faire les plus dangereuses suppositions. Nous avons le droit de tenir pour valable la première déposition et de poursuivre l'accusation. Non, répliqua le blessé, je puis m'être trompé. N'est-ce pas maintenant que, fatigué, l'esprit troublé peut-être, impressionné par la vue de votre meurtrier, vous vous égarez ? Non, non, j'ai tout mon esprit. Je rétracte ma première déposition, je l'annule. Je me suis trompé, j'ai accusé à faux. Je déclare devant tous, et devant mes enfants, devant mes vieux amis, devant vous, magistrats, je déclare que le comte de la Guérinière n'est pas, ne peut pas être mon assassin. Monsieur Montreuil, tout tremblant, dit alors d'une voix haletante qui allait faiblissant. « Signez, vite, je veux signer cette rétractation, signer cette affirmation, seule bonne, seule vraie. signez que le comte de la Guérinière est innocent, que ce n'est pas lui, non, pas lui. Vite, vite, faites-moi signer. » On lui tendit la feuille que remplissait le secrétaire. Il prit la plume. Difficilement, en souffrant beaucoup, il apposa sa signature, redisant à voix basse tout en écrivant « Non, pas lui. Il est innocent. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, non, pas lui. » La plume lui échappa des mains. Sa tête se pencha sur sa poitrine. Il s'écroula sur ses oreillers. « Père, père !» s'écrièrent en même temps ses fils Robert et Raoul affolés. « Père !» Ils relevèrent, croyant à une syncope, à une faiblesse plus grande. Mais le blessé ne répondit pas à l'appel désolé de ses fils. En terminant sa signature, il était mort. Dans le désarroi que causa cette fin dramatique, le comte, se tournant vers le juge d'instruction, lui dit « Vous le voyez, je suis innocent. » Mais vivement, Paulin Broquet, se rapprochant du comte de la Guérinière, demanda à son chef « Faut-il l'arrêter quand même ?» Le chef de la sûreté ne répondit rien. Il tourna les yeux vers le juge d'instruction qui lui aussi avait entendu les paroles du détective. Devant ces deux magistrats tenant en leurs mains l'honneur, la liberté, la vie d'un homme, se pose alors cette grave question « Fallait-il ou ne fallait-il pas arrêter le comte de la Guérinière ?» Les magistrats hésitèrent à résoudre ce problème. Leur instinct d'homme et leur conscience de magistrat se heurtaient et suggéraient une solution différente. Mais le juge d'instruction, le premier, s'arracha à cette sorte de fascination. Il désigna du doigt au chef de la sûreté le cadavre de M. Montreuil, devant lequel se trouvait encore la déclaration que le banquier venait de signer et qui proclamait innocent le comte de la Guérinière. « Nous ne le pouvons pas légalement après cela, » dit-il. Le chef de la sûreté alors tourna la tête vers Paulin Broquet qui attendait, comme un chasseur tenant sa proie à bonne portée, prêt à l'abattre. « Non, » lui dit-il. Paulin Broquet abaissa les mains à contre-cœur, il obéit. « Tant pis, » fit-il seulement. Pendant ce temps si court, mais qui a tous paru si long, le comte demeura absolument impassible. Il attendait la décision des magistrats sans que sur son visage pût se lire la moindre crainte, la moindre anxiété. « Vous êtes libre, monsieur, » lui dit le juge d'instruction. « Vous pouvez vous retirer. » Le comte de la Guérinière s'inclina légèrement et, sans mot dire, lentement, se retira. Arrivé près de la porte, il se retourna et lança au détective un coup d'œil railleur de triomphe et de défi. Paulin Broquet répondit à cette bravade par un regard ferme, mais froid et tranchant, comme sont les lueurs des épées mises au clair. Dans cette minute poignante, entre ces deux hommes, venait de naître une de ces haines implacables qui poussent à la lutte sans merci.